La princesse Azimba et le capitaine Villa Diego par Lucien Billard. 13 août 1522. Il y a un an que Hernán Cortés, après le terrible siège durant lequel lui et sa petite armée ont failli périr, est devenu maître absolu de la ville de Mexico, de Ténor l'orgueilleuse, comme la nommaient les Aztèques, ses conquérants à leur tour conquis. Le vaillant Espagnol règne par la terreur. Mais loin de songer au repos, il regarde, avide, au-delà des frontières du séculaire empire dont il s'est emparé, qui frémit, mal dompté, sous sa main sanglante. Aigle rassasié, non rupu, il cherche autour de lui de nouvelles proies. Se tourne volontiers vers le seul royaume qui a pu ou su résister aux Aztèques, vers ce royaume de Michoacán, dont ses nouveaux sujets lui racontent des merveilles. À leur dire, en effet, c'est de là qu'ils tiraient en abondance, à l'heure de leur prospérité, l'or, l'argent, les perles, les saphirs, le corail trouvé chez eux. Ces récits enflamment l'imagination du héros, excitent l'avarice, qui sera le trait dominant de la seconde moitié de sa vie, et la conquête du Michoacán est résolue dans son esprit. Aujourd'hui, simple province de la République mexicaine, le Michoacán s'étendait alors sur la pente occidentale de la Grande Cordillère. Au nord, il avait pour limite la rivière de Lerma, qui vers l'est prend le nom de Rio Grande. À l'ouest, comme au nord-est, une simple ligne le séparait de la province de Mexico. Plus à l'ouest encore, il toucha celle de Guadalajara, et au nord-nord-est, il était baigné par les eaux bleues de la mer du sud de l'océan Pacifique. Au résumé, le Michoacán, ce nom signifie « terre poissonneuse », se trouve sous la zone torride. C'est une contrée fertile composée de prairies arrosées par de nombreux ruisseaux, alternant avec des bois aux essences variées. Sur toute son étendue, sauf sur les bords de la mer, le climat de ce pays est sain. À l'époque où Cortés se mit à le convoiter, le royaume du Michoacán, véritable terre promise, était occupé par 3 races d'hommes qui, successivement, l'avaient envahi et s'y étaient superposés sans s'amalgamer. Le dernier venu de ces peuples, les Tarasques, étaient les véritables maîtres du pays. Leur origine péruvienne est attestée par leur langue, leurs coutumes et leur religion, car ils adoraient le soleil. Le roi alors régnant, Tzimtzicha, était fils d'un souverain qui, ayant vécu une des armées de Moctezuma I, avait par ce fait d'armes acquis une grande renommée. La civilisation des Tarasques, par certains côtés, dépassait en raffinement celle des Aztèques. Bien qu'ils sacrifiassent, comme ces derniers, des victimes humaines à leurs dieux, ils étaient cependant moins cruels. Les classes supérieures de cette nation croyaient à l'existence d'un être suprême infiniment sage, base des choses créées ou à créer, et dont l'intermédiaire, pour communiquer avec les hommes, était une divinité qui ne se reposait jamais et qu'ils nommaient Nanakuiraperi, mère nature. C'était là une force parfaite qui existait dans l'éternelle immensité du temps, qui avait pour mandataire le soleil et la lune, et que les Tarasques matérialisaient dans la constellation de la Croix du Sud. Mais ce n'est pas l'histoire du Michoacán que je veux raconter. C'est une légende d'amour, datant de l'époque de sa conquête par les Espagnols. Elles sont rares, ces tendres aventures, car le vaillant chroniqueur-acteur de cette poignée d'héroïques soldats, Bernal Diaz del Castillo, s'est plus occupé de mettre en évidence les grands coups d'épée de ses compagnons d'armes que les faiblesses de leur cœur. Ils en ont eu pourtant, et j'ai montré l'importance historique des rapports de l'Indienne Marina avec Hernán Cortés. Aujourd'hui, je veux tirer de l'ombre, ramener au grand jour, la discrète légende du capitaine Villa Diego et de la princesse Tarasque Azimba, curieux prélude de la conquête du Michoacán. J'ai cette fois été devancé dans cette tâche par un des modernes fils de cette belle contrée, l'érudit américaniste Don Eduardo Ruiz. Mais reprenons les documents nouveaux qu'il a recueillis pour les tisser avec ceux déjà connus et qu'ils éclairent. Je veux tenter à mon tour de rendre à l'histoire une de ces pages demeurées mystérieuses pour l'intelligence de laquelle les préliminaires qui précèdent étaient non seulement nécessaires mais indispensables.